Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous terminons cette première édition de Futur Simple avec Marie-Claude Lafitte. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors Marie-Claude est une nouvelle voix que vous entendrez à Futur Simple cette année. En fait, pas tout à fait nouvelle parce que Marie-Claude a déjà pris le micro lors de la toute dernière émission en mai dernier. Mais bon, c'est ceux qui ont raté la dernière émission n'ont pas entendu la douce voix de Marie-Claude. Donc Marie-Claude, pour la présenter, est étudiante au doctorat en infectiologie. Où ça Marie-Claude? À l'Université Laval. D'accord. Et parions que nous explorerons avec elle les contours de cette discipline qu'est l'infectiologie. Et aujourd'hui, elle aborde le thème de la vaccination. Alors, depuis qu'on est enfant, on reçoit des vaccins. Certains chaque année, certains tous les 10 ans et d'autres une seule fois au cours de notre vie. Eh bien, on va se demander comment sont fabriqués les vaccins et comment réussissent-ils à nous protéger contre les maladies. Mais Marie-Claude, on va commencer par le début. Donc, la vaccination, en fait, ne date pas tout à fait d'hier. Ça fait quand même peut-être plus d'un siècle que ça existe. Tout à fait. Elle est devenue normale et courante dans la société d'aujourd'hui. Mais elle a été découverte comment? Historiquement, c'est à Edward Jenner que l'on accorde la découverte de la vaccination en 1796. Edward Jenner, il a remarqué que certains fermiers qui étaient atteints par une maladie appelée la vaccine des vaches échappaient à l'épidémie de variole qui sévissait en Europe à ce moment-là. Donc, être atteint de la vaccine protégeait les gens d'être atteints de la variole. Alors, ce que Jenner a fait, c'est qu'il a prélevé du pus sur les pustules d'une fermière infectée par la vaccine des vaches et l'a inoculé, c'est-à-dire qu'il l'a injecté, ce pus, à un jeune garçon en pleine santé. Et 3 mois plus tard, il a cette fois inoculé la vraie variole à ce jeune garçon qui n'a par la suite pas développé la maladie et qui était donc immunisé grâce au pus de la vaccine des vaches donc qu'on lui avait inoculé. Et c'est d'ailleurs de cette maladie vaccine des vaches d'où vient le terme vaccination. Ben oui. Donc plus tard, le principe de vaccination a été clairement expliqué par Louis Pasteur, qui a mis au point donc le fameux vaccin contre la rage et qui présente la vaccination comme, je cite, des virus affaiblis ayant le caractère de ne jamais tuer et de donner une maladie bénigne qui préserve de la maladie mortelle. Alors avec Louis Pasteur qui a bien défini le principe de la vaccination, c'est le début de cette vaccination telle qu'on la connaît aujourd'hui. D'accord. Donc voilà pour le tout début de cette vaccination, puis les premiers cas de vaccination un peu primitifs quand même, de prendre le pus d'une personne. Donc aujourd'hui, ça a évolué, bien sûr, on ne fait plus ça comment. Donc comment ça fonctionne exactement? Comment la vaccination réussit-elle à nous préserver de la maladie? Alors en fait, la vaccination se base sur le principe du système immunitaire. Lorsqu'un agent infectieux étranger pénètre dans le corps, il est reconnu par le système immunitaire qui va produire des anticorps, qui sont des molécules capables de reconnaître spécifiquement l'agent infectieux, qu'on appelle alors antigène. Donc ces anticorps du système immunitaire reconnaissent l'antigène et ça va permettre la destruction de cet antigène. Ce processus, en fait, il possède une mémoire, c'est-à-dire que le système immunitaire se souvient d'avoir combattu l'agent infectieux et se souvient de l'anticorps qu'il a produit pour le combattre. Donc le principe de la vaccination, en fait, profite de la mémoire du système immunitaire et injecte une version modifiée de l'agent infectieux pour susciter une réaction immunitaire de faible intensité avec cet effet mémoire, sans toutefois déclencher la maladie. Donc par la suite, si la personne est confrontée au véritable agent infectieux responsable de la maladie, eh bien le système immunitaire va faire appel à sa mémoire et refabriquer beaucoup plus rapidement et efficacement les anticorps qu'il avait produits lors de la vaccination afin de combattre le virus ou la bactérie avant même que la maladie ne se déclenche. Il a déjà le plan de fabrication et puis il s'en souvient, donc exactement. Ça va plus vite la deuxième fois. Est-ce que tous les vaccins sont fabriqués de la même façon? Alors en fait, le principe de base est le même pour tous les vaccins. L'idée, c'est d'avoir un agent infectieux modifié ou atténué. Mais cependant, il existe plusieurs types de vaccins. Alors premièrement, on a les vaccins en sous-unité, qui sont constitués de morceaux de microbes ou de cétoxines. Donc en quelque sorte, on découpe le microbe pour en faire un vaccin. C'est le cas par exemple du vaccin contre le tétanos. Ensuite, on a les vaccins inactivés, comme le vaccin contre la poliomyélite ou le vaccin contre la grippe. Donc, vaccin inactivé, ça signifie que l'agent infectieux a perdu son pouvoir pathogène, c'est-à-dire qu'il ne peut plus déclencher la maladie, mais par contre, il conserve son pouvoir immunitaire, c'est-à-dire qu'il est toujours capable de déclencher une réaction immunitaire. Dans ce cas, pour fabriquer le vaccin, on détruit l'agent infectieux, soit chimiquement, soit par la chaleur. Mmh. Et finalement, on a les vaccins vivants atténués, où le principe de fabrication repose sur le fait que l'agent infectieux perd naturellement ou artificiellement son caractère pathogène, donc sa capacité à déclencher la maladie. L'agent infectieux devient alors incapable de développer entièrement la maladie, mais conserve son pouvoir immunitaire. Donc il s'agit par exemple des vaccins contre la rougeole, la varicelle ou la tuberculose. Mm-hmm. Mais on peut se poser les questions quand même, est-ce que c'est pas dangereux un vaccin vivant atténué? Parce que si le vaccin est vivant, ça signifie que le virus est vivant dans le vaccin. Est-ce qu'on peut quand même développer la maladie suite à la vaccination? Dans la très large majorité des cas, en fait, non. Il est très rare, après une vaccination, de développer la maladie pour laquelle on s'est fait vacciner. Les processus qui atténuent les virus dans les vaccins vivants atténués sont très contrôlés. Mais évidemment, en médecine, ben, il n'y a pas de risque mm-hmm. zéro, que ce soit à propos de vaccination ou de médicaments. Oui. Il y a toujours des effets indésirables possibles. Maintenant, j'aimerais que tu nous éclaircisses un petit peu. C'est le fait que pour certains vaccins, on soit vacciné une fois dans notre vie et que pour d'autres, il faut faire des rappels. Pourquoi ? Et en fait, cette question, je ne pourrais pas y répondre complètement parce qu'elle n'est pas totalement élucidée. Certains vaccins, comme celui contre la tuberculose, confèrent une immunité à vie. Pour d'autres vaccins, le taux d'anticorps produit lors de la vaccination diminue avec le temps. Sans trop que l'on sache pourquoi. Mm-hmm. Et on fait alors à ce moment-là des rappels, dépendamment des vaccins, tous les 10 ans ou tous les ans, pour faire un nouvel appel à la mobilisation des anticorps en quelque sorte. Mm-hmm. Donc c'est le cas par exemple du vaccin contre la grippe pour lequel on se fait vacciner chaque année. Mm-hmm. Mais justement, à propos du vaccin contre la grippe, et d'ailleurs ça va bientôt être la saison de vaccination contre la grippe, donc chaque année on doit se faire revacciner. Quels sont les enjeux du vaccin contre la grippe dont l'efficacité est parfois remise en cause? En fait, la difficulté du vaccin contre la grippe, c'est que la grippe, qui est un virus qu'on appelle influenza, change chaque année. Plus exactement, il mute chaque année. Donc les mutations sont des changements dans l'ADN qui, dans le cas de la grippe, permettent au virus de changer pour mieux infecter l'être humain. Ces mutations, elles sont difficiles à prévoir et elles peuvent changer l'efficacité du vaccin. Pour donner un exemple, je dirais qu'il faut s'imaginer que le virus de la grippe a sur sa surface plein de petits triangles. Mmh. Et dans ce cas, on fabrique un vaccin qui a lui aussi des petits triangles pour apprendre au système immunitaire à reconnaître les triangles. Eh bien, si le virus mute et possède maintenant à sa surface des carrés au lieu des triangles, le système immunitaire entraîné à reconnaître les triangles ne reconnaîtra pas efficacement mmh. les carrés et donc le virus. Et tout le processus de vaccination basé sur la reconnaissance des triangles mmh. sera un échec. Donc la difficulté pour l'Organisation mondiale de la santé qui propose la composition des vaccins, c'est de prévoir exactement quelles mmh. seront les mutations. Ah oui. D'accord. Et alors, comment on peut faire pour mieux prédire quelles seront les mutations? Est-ce qu'on a des moyens? En fait, il est presque impossible de prévoir quelles seront exactement les mutations, à moins d'être médium. Et je ne pense pas que l'Organisation mondiale de la santé... Je ne pense pas qu'elle joue ce jeu-là. Donc, c'est un peu difficile. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est attendre le plus tard possible pour fabriquer les vaccins. Parce que les mutations du virus apparaissent tout au long de l'année. Et si on attend le plus tard possible pour fabriquer les vaccins, on aura plus de chances de fabriquer un vaccin efficace, car le virus aura moins le temps de muter entre le moment de la fabrication et le moment où le virus sera le plus présent et le plus mm-hmm. attaquant dans la population. Parce qu'aujourd'hui, les processus du vaccin, de fabrication du vaccin contre la grippe commencent en février-mars pour un vaccin qui sera donné à la population à l'automne. Donc, si entre-temps le virus mute, on est fait. Donc, pour cela, il faudrait aussi pouvoir améliorer la vitesse de production des vaccins, qui prend un certain temps, ce qui est normal parce que il faut premièrement fabriquer le vaccin, qui sont souvent fabriqués dans des œufs de poulet. Mm-hmm. Et ensuite faire des tests pour vérifier que ce vaccin il est efficace, qu'il n'est pas dangereux pour l'être humain. Et tout ce processus-là, ça prend un certain temps, ça prend plus de 6 mois. On pourrait essayer d'améliorer et de réduire le temps de fabrication des vaccins. Mais face à des virus en constante évolution, comme celui de la grippe mmh. ou le virus du sida contre lequel on n'a pas encore de vaccin, beaucoup de défis attendent encore les chercheurs. Mais je dirais pour finir que la vaccination reste encore aujourd'hui l'une des mesures de prévention les plus efficaces dans l'histoire de la médecine. Mmh. Oui, puis je pense que c'est important de le rappeler. Alors, merci beaucoup Marie-Claude pour toutes ces explications claires et limpides de la vaccination. On va faire une petite pause musicale pour clore l'émission.